se rend compte du vrai visage du monde. Le temps s'écoule comme mes larmes, mon cœur y abonde de méchanceté. Je suis fatigué de devoir tout t'expliquer. J'aurais jamais pensé le dire, mais là je m'éloigne. Tu sais que c'est toi le pire là-dedans. Tu veux me rabaisser juste pour faire chier. En plus, tu parles à mon dos, viens pas me dire que t'aimes ce que je fais quand c'est pas vrai. Je me suis accroché toutes ces années pour être le best pour toi, mais je me rends compte qu'avec le temps, ça sert à rien parce que tu t'en fous bien. Le style de vie que je mène, je l'aime. J'aimerais ça avoir du fame, mais t'as pas l'air de bien comprendre que j'aime ce que je fais. T'es la seule personne au monde qui me dénigre. Je pense que c'est le temps qu'on se sépare, qu'on prenne notre bord. Yeah, yeah. Toi t'aimes ça rire aussi des autres. Tu joues à ton indépendance. Je pense qu'il faudrait peut-être t'y penser. T'as jamais aimé ce que j'ai fait. Pis toi là-dedans tu te sens bien. Tu cherches toujours la crise de marde. T'es comme des portes tournantes. Tu changes vite d'apparence. Attitude de jeune je le pense. Mais moi je te le jure que je vieillis. T'es une des seules personnes au monde qui me salit. Tu me dis que tu dis ça pour mon bien. Mais tes commentaires laisse-les faire. Tu manques trop de confiance en moi. Sache que je sais je vais où là-dedans. Yeah. Je pensais que t'avais maturé. Je comprends pas pourquoi. Pourtant le peu de fois qu'on se voit, tu joues tout en l'innocent. C'est dur se séparer du monde qu'on aime, mais vaut mieux éviter les problèmes. Tu sais que ta faute. Tes rabaissements m'ont fait en moi forger un assez de caractère qui se construit pas depuis hier. Ouais, yeah. Tu vis ta vie, je vis la mienne. Viens pas me chercher, je suis parti. Je vais foncer droit vers mon but sans toi, que ça te plaise ou pas. Angry Sam.